Bonsoir. Dans Autant d'emporte l'histoire aujourd'hui, Germaine de Staël et Napoléon Bonaparte, l'impossible conquête. Comment se fait-il qu'une femme pareille ne soit pas plus célèbre aujourd'hui ? Germaine de Staël, née en 1766, morte en 1817. L'auteur de romans tels que Delphine et Corinne ou l'Italie, des best-sellers dans toute l'Europe de son vivant. Auteur aussi d'écrits politiques audacieux. De l'Allemagne, par exemple, sous l'apparence innocente d'un tableau de pays et de la culture d'outre-Rhin, cet ouvrage était en même temps une véritable apologie du cosmopolitisme et de la liberté des peuples. Insupportable pour Napoléon, qui en 1810 envoyait le livre directement au pilon. Pourquoi Germaine de Staël n'est-elle pas plus connue ? Parce que c'est une femme ? Parce qu'elle mélangeait les genres, littérature, philosophie et politique ? Germaine de Staël, il faut le dire, est aussi un drôle de phénomène. Une femme de passion et de chair, qui aimait les hommes, elle eut un mari et au moins 15 amants, eut 5 enfants, le dernier à 46 ans, juste avant de s'enfuir à travers l'Europe. C'est de l'étonnante relation entre Germaine de Staël et Napoléon Bonaparte que nous allons parler ce soir. Deux êtres qui n'avaient rien pour s'entendre. Lui, le jeune général devenu empereur et autocrate. Elle, la femme éprise de liberté. Autant en emporte l'histoire avec Stéphanie Duncan. Stéphanie Genant, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la spécialiste en France de Germaine de Staël, présidente même de la Société des études staliennes, s'il vous plaît. Alors cette année 2017, on a célébré le bicentenaire de sa mort, donc c'était en 1817. Il y a eu des livres, une exposition à Genève dont vous étiez la commissaire, donc consacrée à Germaine de Staël et à son compagnon principal et non moins écrivain Benjamin Constant. Alors est-ce que cette célébration a permis enfin, selon vous, de remettre Germaine de Staël à la place qu'elle mérite ? Un tout petit peu, mais vous le disiez dans votre présentation, pas suffisamment et surtout pas durablement. Il faut ensuite essayer que cette mémoire qui est liée là à une commémoration s'enracine dans nos études littéraires, dans nos systèmes de pensée, dans nos figures, les figures intellectuelles auxquelles on pense spontanément sur certaines questions. Staël n'a pas encore aujourd'hui, et même je crois à la fin de l'année 2017, la visibilité qu'elle mérite. Bon, on va essayer d'en faire un tout petit peu dans cette émission, modestement. Alors avant de commencer l'histoire de la relation tumultueuse entre Germaine de Staël et Napoléon Bonaparte, donc qui va s'étendre entre 1798 et 1814, des années de grande créativité pour Germaine, mais aussi des années très dures, des années d'exil forcé. Alors avant cela, Stéphanie Genant, j'aimerais que vous nous expliquiez qui est Germaine de Staël en 1798. Donc elle a 32 ans et elle a déjà vécu énormément de choses. Alors Germaine de Staël en 1798 est à la fois une jeune auteure et une jeune républicaine. Elle a publié déjà deux œuvres qui ont fait beaucoup parler d'elle, en particulier un traité moral de l'influence des passions en 1796 et les lettres sur Rousseau auparavant en 1788. C'est donc une femme qui a déjà transgressé une règle en osant se lancer dans une carrière d'écrivain, une carrière officielle. C'est donc une jeune femme auteure, mais associée à un scandale, le scandale d'une trajectoire un peu atypique. C'est et d'où vient-elle ? Parce qu'elle a aussi une naissance assez atypique. Alors voilà, c'est ça aussi qui explique que son nom soit connu avant même qu'elle ait publié quoi que ce soit. Elle est la fille d'un des couples les plus en vue de l'époque, Jacques Necker, le ministre à ce moment-là des Finances de Louis XVI, et de Suzanne Necker, son épouse, qui a tenu un salon juste avant la Révolution, extrêmement célèbre, salon où elle recevait les philosophes. Staël est donc la fille unique d'un couple de figures publiques très célèbres, aussi bien pour le rôle qu'ils ont pu avoir pour Necker ou pour la diffusion intellectuelle qu'a pu assurer son épouse. Son mariage a donc été à Staël en 1786 un événement mondain. Hein, c'est une fille en vue avant d'être une femme connue. Elle est mariée à un baron suédois. Elle se marie, oui, avec Erik Magnus de Staël-Holstein qui lui donne son nom alors qu'elle s'appelle au départ Necker, et elle se marie en 1788, avec celui qui est l'ambassadeur de Suède en France. Un protestant comme elle. Elle est d'origine suisse protestante et lui, c'est un Suédois protestant. Voilà. Tout partait un peu dans la dissidence chez Necker, puisque c'est la première fois dans l'histoire, et peut-être la dernière française, qu'un roi de France catholique fait venir à la cour comme ministre un protestant et un étranger, puisqu'il est suisse. Ça va, cette marque de fabrique, en quelque sorte, d'étrangeté, va poursuivre la génération d'après, puisque Staël, on va aussi toujours lui reprocher d'être étrangère, de venir d'ailleurs. C'était déjà le cas de son couple de parents. Et donc, elle est née sous Louis XV, elle traverse le règne de Louis XVI et de Marie-Antoinette, elle voit naître la Révolution, elle s'enthousiasme pour la Révolution, elle va traverser aussi la Terreur, et elle voit arriver un jeune Bonaparte plein d'espoir, elle s'est dit « Ah, quel homme merveilleux qui arrive !» Alors c'est vrai que c'est une vie qui est indissociable de la tourmente de l'histoire. C'est assez rare que les existences soient autant marquées par l'histoire que celle de Staël, d'autant qu'elle vit à une période où l'histoire s'accélère, où les régimes politiques se succèdent et elle voit, c'est vrai, la fin de l'Ancien Régime, ce qui est déjà, elle a 20 ans, elle, au moment de la Révolution. Donc c'est pour elle un événement d'autant plus perturbant qu'il vient congédier d'un coup le système qu'elle a connu, la jeunesse même qui l'a accompagnée. Ensuite il y a la Révolution, c'est vrai qu'elle embrasse d'abord avec enthousiasme et puis avec circonspection. Et puis ensuite, il y a l'Empire et la Restauration, si bien que Staël ne pourra jamais penser la vie ni l'écriture en dehors de l'histoire et de la politique. Merci Stéphanie Genand. Nous poursuivrons, si vous le voulez bien, cette discussion dans environ 30 minutes. Tout de suite, Germaine de Staël et Napoléon Bonaparte, l'impossible conquête, un texte de Corinne Klomp, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire sur France Inter, réalisation Laure Goroff. Je peine à respirer tant mon cœur s'affole. Mon esprit ne vaut guère mieux. Mille pensées le traversent au galop. Ce soir est le soir de ma vie. Je vais rencontrer le héros d'Italie, le Corse aux yeux d'acier et aux cheveux de jais, Napoléon Bonaparte en personne. Après mon père, il est l'homme que j'admire le plus. Un être mi-humain, mi-divin. Nous partageons le même désir de sauver la France, de concilier les ennemis d'hier, royalistes ou jacobins, pour saisir le meilleur de chacun. Je l'en crois seul capable. Mais pour réussir, il a besoin à ses côtés d'une âme de feu. Joséphine, son insignifiante créole, est indigne de lui. En revanche, moi, je rêve d'unir nos deux génies. Vais-je enfin connaître un homme à ma mesure ? Paris, 3 janvier 1798. Parée d'un généreux décolleté, Germaine de Staël vient de quitter son hôtel de la rue du Bac. Elle y vit avec son mari, le baron Éric de Staël, ambassadeur de Suède, dont elle dit « De tous les hommes que je n'aime pas, c'est celui que je préfère. » À 32 ans, riche et célèbre, elle a 4 enfants de 3 pères différents. En quête perpétuelle d'amour et de gloire, cette femme d'esprit entend jouer un rôle politique. Dès ce soir, qui sait ? 3 ans après la chute de Robespierre, la France vit sous le régime du Directoire, qui marque la fin de la Terreur et de la Révolution. La berline de Madame de Staël s'arrête rue de Grenelle, devant l'hôtel de Gallifet où réside son ami Talleyrand. Il donne une réception en l'honneur du vainqueur de la première campagne d'Italie, le jeune Napoléon Bonaparte. La baronne est en avance. Oh, cher ami, vous serez assise là, à droite de la Bessieyès. Et Bonaparte, où l'avez-vous placé ? Ici, entre Mesdames de Condorcet et de la Tour du Pin. Non, Talleyrand, impossible. Je veux dîner à côté du grand homme. Ah, écoutez-moi. J'ai appuyé personnellement votre nomination auprès du directoire. Je vous ai fait ministre, ne l'oubliez pas. Ah, votre souhait sera exaucé. Sachez tout de même que le général Bonaparte est un homme réservé. Et distrait, comme tous les hommes. Pardon ? En certaines occasions, il lui arrive de perdre sa réserve. Oui, mais en attendant, il n'a pas donné suite à vos lettres. Vous me l'avez vous-même confié. Peut-être vous êtes-vous montré trop direct. Peut-être ne se trouve-t-il pas assez d'esprit pour me répondre. D'après vous, est-il aussi intelligent que moi ? Général Bonaparte, quel pays rêvez-vous de conquérir ? Je ne rêve pas, madame. J'obéis aux ordres du directoire. Dans certains salons, on murmure que vous allez envahir ma terre d'origine, la Suisse. Certains salons, comme celui que vous tenez rue du Bac. J'ai ouï dire au contraire qu'on y parle haut et fort. Et clair, la liberté est notre étendard. Ainsi, je pense que le peuple suisse doit s'affranchir par lui-même, non par les baïonnettes d'un pays étranger. Citoyenne, je n'aime guère que les femmes se mêlent de politique. Fort bien. Et de quoi aimez-vous qu'elles se mêlent ? De leur ménage. de leurs enfants. Quel ennui. Citoyen général, Madame de Condorcet m'interroge sur les chevaux de la basilique Saint-Marc que vous avez rapportés de Venise. Pourrons-nous les admirer à Paris? Je l'espère, citoyen ministre. Pourquoi pas aux Tuileries? Très bonne idée, je vous imagine en haut des grilles. Citoyen Bonaparte, une dernière question. Faites. Chez une femme, que préférez-vous? La discrétion, la douceur, la beauté. Et l'ambition et l'intelligence? Le génie n'a pas de sexe. Chez la femme, ces qualités conduisent à l'esprit d'intrigue. Je ne vois là rien d'amusant. Je ris car vous êtes fidèle à votre réputation. Vous aimez peu les femmes. C'est faux, madame. J'aime beaucoup la mienne. En vérité, le grand homme est bien petit, par sa taille, mais il s'impose au monde tel un géant. Le bouillon en Corse vient d'envahir la Suisse au mépris des conventions. Le prétexte? Redonner aux Vaudois leurs droits politiques. La vraie raison? Faire main basse sur le trésor de Berne pour enflouer les caisses du directoire. Me voici donc presque ruiné, mais mon père et moi allons devenir français. J'aime la France. Je veux convaincre Bonaparte que la République est le seul gouvernement qui vaille, la démocratie la seule voie pour y parvenir. Si j'écrivais un ouvrage sur le sujet, avec la complicité de mon diable blanc. Son diable blanc, c'est Benjamin Constant, un aristocrate suisse de son âge, timide mais ambitieux, auteur d'essais politiques. Il a rencontré Germaine près de Lausanne fin 1794. S'il est tombé fou amoureux, elle résiste, car la figure constellée de taches de rousseur de son soupirant constitue un invincible obstacle. 3 ans plus tard, elle lui donne une fille et songe à divorcer. Tous deux républicains et désormais français, Benjamin et Minette, le surnom de Germaine, sont habités par la même vision libérale. Au printemps 1799, la France, en pleine crise politique et économique, est au bord de la ruine. Par le coup d'État du 9 novembre au 18 Brumaire, Bonaparte met fin à l'anarchie du directoire, instaure le consulat et devient à 30 ans premier consul. Madame de Staël veut en tirer profit. Elle réussit à faire nommer Benjamin, membre du tribunat, une nouvelle assemblée législative. En ce soir du 4 janvier 1800, dans son salon parisien... Je vous lis ma conclusion. Avec plaisir. J'exige l'indépendance absolue du tribunat. Sans elle, il n'y aura plus en France ni harmonie, ni constitution. Il n'y aura plus que servitude et silence. Un silence que l'Europe entière entendra. Exact. Je le rajoute. Dommage que nous ne puissions lire ce texte ensemble. Il est le fruit de notre travail. À défaut d'être député ou ministre, la femme joue à l'inspiratrice. Allez vous reposer. Demain, vous aurez besoin de tout votre éclat pour briller au Palais Royal. Minette, ce soir, votre salon était rempli de personnes qui vous sont chères. Il le sera demain aussi. Je donnerai un dîner en votre honneur. Si mon discours me place dans l'opposition, votre salon sera désert. L'opposition? Allons, Bonaparte a créé le tribunat pour discuter les lois, donc pour discuter tout court. Il est homme à accepter la contradiction. Allez, mon ami, suivez votre conviction. Bonne nuit. Madame a sonné. Des nouvelles de Monsieur Constant? Aucune, madame. Ah! Benjamin, que se passe-t-il? Depuis 2 heures, je reçois une salve d'annulation pour mon dîner. Je n'aurais jamais dû vous écouter. Bonaparte est furieux. Contre moi, contre vous. Contre moi? Sa plus fervente admiratrice? Quelle folie, hein. Il vous tient pour responsable de mon intervention. Il me flatte, mais c'est faux. Mon discours a déclenché ses foudres. Je m'attends au pire. Je ne comprends pas. Il ne vous a tout de même pas nommé tribun pour acheter votre approbation ou votre silence. Est-il insensible à l'éloquence? Madame. Qu'est-ce encore? Un billet pour vous. Donnez. Nous allons finir par dîner en tête à tête. Talleyrand, lui aussi. Il me doit tout, le lâche. Hein. Oh, mon ami, c'est affreux. Hein. Avons-nous mis au pouvoir un tyran? Les jours suivants, la presse se déchaîne contre la baronne de Stahl. Elle part se faire oublier à la campagne et publie au printemps un essai de la littérature, avec un certain succès. De son côté, Bonaparte renforce son pouvoir. Au printemps, il triomphe à nouveau de l'Autriche lors de la deuxième campagne d'Italie. Rien ni personne ne résiste à sa fulgurante ascension. Personne, sauf Germaine de Stahl, Benjamin Constant et une poignée d'opposants militaires, parmi lesquels le général Bernadotte. Dès l'hiver 1801, à Paris, le salon de la baronne redevient le temple de la libre parole et accroît son influence. On y défie le premier consul, on épingle son autoritarisme. En janvier 1802, il se venge et exclut Benjamin Constant du tribunat. Comme Bonaparte refuse de recevoir Madame de Stahl, Talleyrand joue les messagers. Je veux parler et être obéi, c'est clair? Oui, citoyen consul. On ne peut pas gouverner avec ces gens-là, Talleyrand. Votre chère Madame de Stahl... Oh, chère, vous exagérez. Elle fut pourtant ardente avec vous dans sa passion. Il y a longtemps, et très vite, je l'ai jugée trop exaltée. Et moi donc? Dieu sait combien de cajoleries elle m'a faites. Une intrigante, une machine à parler. Dangereuse, qui plus est. Non, son esprit tremble devant le vôtre. Qu'il tremble, et qu'elle reste tranquille, et sinon ce sera la guerre. Si elle se met en travers de mon chemin, je la briserai. Dites-lui bien cela. Je lui dirai... Je veux parler et être écouté. C'est clair? Oui, madame. La nature m'a fait ainsi, Talleyrand. Je dis ce que je sens. J'ai toujours agacé le pouvoir en place. Ma famille aussi. Mmh. Aujourd'hui, j'éprouve une jouissance physique à résister à ce régime injuste. Oh, injuste. Vous exagérez. Bonaparte veut mettre la gloire sur sa tête et la liberté sous ses pieds. Il a horreur que l'on pense. Un idéophobe. Non, il aime avancer vite. C'est un homme neuf. Un homme neuf qui rêve de renouer avec le despotisme des hommes de jadis. Vous verrez. Hélas pour lui, l'esprit se dresse contre le sabre. En tant que femme, il me semble que vous devriez... En tant que femme, je n'entends pas me soumettre à l'opinion, mais la braver. Le génie aussi est une puissance. Dites-lui bien cela. Je lui dirai. Les temps sont rudes pour Madame de Stahl. Sa relation avec Benjamin Constant, rythmée de fracassantes scènes de jalousie, l'épuise. Début mai 1802, le décès de son mari ravive leurs tensions. Lassé de la tyrannie de Minette, le volage Benjamin rechigne à l'épouser, sans oser la quitter. Germaine se réfugie en Suisse, au château de Coppet. Là-bas, elle apprend que son premier roman, Delphine, connaît un grand succès, ce qui irrite le premier consul. Une œuvre immorale écrite avec beaucoup de talent. Je ne peux pas souffrir cette femme. Nommé consul à vie par plébiscite en août 1802, Bonaparte voit dans ce roman féministe, dédié à la France silencieuse mais éclairée, une critique voilée de sa politique. Dès février 1803, il donne l'ordre d'arrêter Madame de Stahl si elle se rend à Paris. Personne ne m'empêchera d'aller recueillir mes lauriers, surtout pas lui. Consul à vie, il ne lui manque plus que l'hérédité et la couronne impériale. J'enrage de m'être fourvoyé, d'avoir bataillé pour le conquérir. Au diable la conquête, place à la guerre. Ainsi il me craint. Le pauvre homme. C'est mon orgueil et ma terreur. Je me précipite au-devant de sérieux ennuis. Pourtant, ma volonté reste droite. Je suis né, je vis et je mourrai libre. Il me tarde de revoir Paris. Je vais louer une maison près de Montmorency. Me rapprocher de ma ville chérie, pas à pas, sans bruit. Contre moi, ce maudit Corse n'osera rien. Du thé, Benjamin ? Merci. « Auguste, mon chéri, pas de courrier aujourd'hui? Non, mère. Vous croyez que Bonaparte va répondre à votre lettre? Quelle lettre? Vous l'avez provoquée encore? Pas du tout. Je l'ai averti de mon séjour ici. Puis j'ai sollicité sa permission d'habiter Saint-Ouen pour permettre à Auguste de suivre les cours de l'école polytechnique. Et je l'ai flatté. Citoyen consul, il est impossible qu'un héros ne soit pas le protecteur de la faiblesse. Faible, vous? Il faut ce qu'il faut. Cette maison respire l'humidité, je refuse de passer l'hiver dans ce trou. D'après vous, va-t-il accepter? Je l'ignore. J'en ai fini avec la politique. Je me consacre à ma biographie de Frédéric II. Je croyais que vous suiviez la trace de votre nouvelle tocade, cette riche héritière de Genève. Mais vous êtes homme à mener plusieurs ouvrages de front, n'est-ce pas? Les enfants, entretuez-vous en silence! Je m'ennuie. Mais prends modèle sur ton frère, lis. C'est le seul remède. Au secours, je ne veux pas aller en prison. Albertine, mon amie, votre fille est impossible. Ma chère, ma fille est aussi la vôtre. Auguste, qui est-ce? Quelqu'un pour vous, mère. Un gendarme. Oh mon Dieu, on vient m'arrêter. De grâce, calmez-vous. Citoyenne, Antoine Gaudriot, lieutenant de gendarmerie à Versailles. Je dois vous remettre ceci de la part du premier consul. Benjamin, lisez. Madame, votre maison est un foyer d'opposition et d'intrigue. En conséquence, vous devez vous éloigner de Paris à plus de 40 lieues dans les 24 heures. 24 heures? C'est impossible. J'ai des enfants, je ne peux pas... Ce sont les ordres. Trois jours. Trois petits jours. Voilà ce qu'il me faut pour organiser mon départ, préparer mes affaires. Monsieur, je vous en conjure. À une condition. Je ne vous quitte pas d'une semelle. Soit. Ne vous inquiétez pas, j'ai de la conversation. On m'appelle le plus littéraire des gendarmes. Oh, vraiment? Et j'apprécie vos livres, surtout Delphine. Bravo. Vous voyez où cela mène d'être une femme d'esprit. Déconseillez-le aux personnes qui vous sont chères. Madame de Staël se bat pour entrer en grâce. En vain. Pour Bonaparte, elle incarne la concurrence du pouvoir de la littérature et des idées. Il veut l'anéantir, de peur de voir son propre pouvoir, politique et militaire, affaibli. Le 19 octobre 1803, Germaine se résigne au départ. Avec Auguste, Albertine et Benjamin, l'inconstant, elle s'en va découvrir l'Allemagne. Un pays sombre où les hommes supérieurs brillent comme des flambeaux au milieu de la nuit. Elle voit dans cette mosaïque d'États, sans capitale ni centre, une terre vierge, libre, la patrie de la pensée. Par l'étude des auteurs allemands, elle souhaite enrichir la culture des Français, rapprocher les deux pays. À Francfort, Weimar, puis Berlin, elle est fêtée comme une reine. Elle rencontre Schiller et Goethe, apprend l'allemand, reprend goût à la vie. Mais une terrible nouvelle la rattrape. Le 9 avril 1804, Jacques Necker, son père adoré, meurt. Elle rentre aussitôt en Suisse, à Copé. À 38 ans, je redeviens une enfant. Égarée, démunie. Je n'ai plus mon père. Chaque nuit, je hante les couloirs du château, dans l'espoir de le voir surgir pour m'embrasser, d'entendre résonner son rire. À quoi bon vivre sans lui? Le seul homme qui m'ait comprise et protégée. Le seul qui m'ait aimée pour ce que je suis, sans concession. 1000 fois par jour, je relis sa lettre, ses derniers mots. Ma chère Minette, redouble de circonspection avec les grands personnages qui feront ta société. Adieu. C'était lui, le grand personnage. Je veux écrire un ouvrage à sa gloire. Le monde entier doit savoir qui il a perdu. Un ange, un dieu. Entre-temps, en France, Bonaparte déjoue un vaste complot orchestré contre lui par des royalistes en lien avec l'Angleterre. Il fait exécuter les supposés conjurés, parmi lesquels le duc d'Enghien, marquant à jamais les esprits. Le 2 décembre 1804, à Notre-Dame, il devient l'empereur Napoléon Ier. Contrarié par le sacre de ce parvenu vaniteux, Madame de Staël se ressource en Italie, sans Benjamin. elle rentre à Copé à l'été 1805 et s'installe à Rouen un an plus tard. Par sa bonne conduite, elle pense obtenir la levée de son exil. Elle publie son deuxième roman, Corinne ou l'Italie, qui narre le parcours d'une artiste adulée, soucieuse de maîtriser son destin. Il lui vaut un triomphe international et une curiosité impériale. Au printemps 1807, peu après la sanglante bataille d'Eylau contre les Russes, Napoléon réveille Talleyrand en pleine nuit pour qu'il lui en lise des extraits. Alors Oswald se promenait dans les rues de Rome en attendant l'arrivée de Corinne. À chaque instant, on la nommait, on racontait un trait nouveau d'elle qui annonçait la réunion de tous les talents qui captivent l'imagination. Tous les talents ? Quelle modestie ! L'un disait que sa voix était la plus touchante d'Italie, l'autre qu'elle dansait comme une dinde. Que dites-vous ? Une dinde ? Il est vrai qu'avec son physique grossier, je n'imagine pas Madame de Staël danser autrement. Non, comme une nymphe, sire. Et il s'agit du personnage qu'elle a inventé, Corinne. Allons, la coquine se cache derrière chaque mot pour me nuire. Elle ne dit rien de mes victoires en Italie. Pourtant, son roman se situe à cette époque. Je ne suis même pas cité. Patience, il me reste beaucoup à lire. Inutile. Elle a choisi pour héros un Anglais. Quelle infamie ! Cet Oswald apparaît dès la première ligne. Un hasard, peut-être ? Il faut lui demander. La revoir ? Jamais. Je la veux loin de moi. J'ai 4 ennemis, Talleyrand. La Prusse, la Russie, l'Angleterre et Madame de Staël. Je ne plaisante pas. Elle a encore intrigué pour m'amadouer avec une lettre de 6 pages. Un fatras de phrases. Allez vous coucher. Oh, avec joie, sire. Le livre, je le... Brûlez-le. Il ne vaut rien. Quant à cette misérable femme, qu'elle s'en aille en Suisse dans son château. Et qu'elle y reste. Le petit Corse croit s'être débarrassé de moi. Grossière erreur pour un empereur. J'ai conquis l'Europe bien avant lui, par le rayonnement de ma pensée, de mes écrits. De loin, je lui fais de l'ombre. Mon empire, celui des esprits libres, rivalise avec le sien. Paris m'est défendu ? Peu importe, Paris vient à moi. Mon château de Copé ne désemplit pas. Il devient le quartier général de ceux qui bravent Napoléon. Si mon père voyait cela, il disait... Ma fille a besoin qu'on lui donne le premier mot, mais elle veut toujours avoir le dernier. Je ne peux penser qu'en parlant. Même un ennuyeux qui entre quand je suis seul est le bienvenu. Mais je chéris plus que tout la conversation de haute tenue, et l'insupportable Benjamin reste le partenaire idéal. Côté vie sentimentale, Benjamin Constant est loin d'être le partenaire idéal. Fin août 1807, il tente de rompre avec Minette par amour pour une certaine Charlotte. Les scènes se multiplient, mais Benjamin retombe chaque fois sous le joug de Germaine, sa légitime souveraine. Les amants terribles conviennent d'une trêve de 6 semaines, après laquelle Madame de Staël part à Vienne. Elle veut finir son grand ouvrage sur l'Allemagne, commencé 4 ans plus tôt. En son absence, elle charge Auguste, son fils aîné, de plaider sa cause auprès de l'empereur. Encore auréolé de son écrasante victoire de Friedland contre les Russes, Napoléon Ier est à l'apogée de sa puissance. Fin décembre 1807, de retour après avoir parcouru son royaume d'Italie, il s'arrête déjeuner dans une auberge de Chambéry. C'est là qu'il reçoit le jeune Auguste, qui l'attend depuis 3 jours. Ce grand homme qu'on appelle Madame de Staël, où est-il ? Pardon ? Votre mère, où est-elle ? À Vienne, sire. Perfetto. Elle est bien là-bas. Elle va apprendre l'allemand. Elle le connaît déjà, sire. Dans ce cas, elle va réviser. Elle n'est pas méchante, mais elle refuse toute subordination. Or, je veux qu'on m'obéisse. Elle vous obéit. Elle désire juste revenir à Paris et... Son arrivée est toujours le signal de quelques troubles. Moi, vivant, elle ne remettra jamais les pieds à Paris. Vous pourriez lui accorder une chance ? Quelques semaines ? Non. À Paris, on lui ferait des visites. Elle ferait des plaisanteries. Mon gouvernement n'est pas une plaisanterie. Bien entendu, sire. Ma famille prend la politique au sérieux. Mon grand-père, Jacques Necker, ce vieux fou, un idéologue. Croyez-moi, Robespierre et Danton ont fait moins de mal à la France que lui. Bon vent, jeune homme. Dites à votre mère d'aller à Rome ou à Londres, partout sauf à Paris. Elle ne pourrait s'empêcher d'y parler politique. Elle s'intéresse davantage à la littérature qu'à la politique. La belle excuse. On fait de la politique en parlant de littérature, de peinture, de tout. Il faut que les femmes tricotent. Point. Pauvre Auguste de Staël, il ignore que Napoléon s'est montré intraitable pour impressionner l'Europe. À Vienne, pendant ce temps, sa mère vit une deuxième jeunesse. Coiffée à l'orientale de turbans colorés, le phénomène français est beaucoup fêté, un peu moqué. Elle se lance dans la conquête d'un noble autrichien, mais un peu plus tard, elle écrit à Constant « Mon cœur, ma vie, tout est à vous ». Elle est loin de se douter que son Benjamin a épousé sa Charlotte. Lorsqu'il rejoint Minette, de retour à Copé fin 1808, il n'ose rien lui dire. C'est sa femme qui annonce la nouvelle à Germaine, au printemps suivant. Une trahison qui sonne le glas de 15 ans de liaison. Peste lâche ! Calmez-vous, vous allez vous blesser ! Ce serait dommage, Benjamin, parce que c'est vous que je veux tuer ! Et tuez-moi donc ! Que j'en finisse ! Je deviens fou ! Si je vous quitte, je passe pour un monstre. Si je ne vous quitte pas, je meurs ! Et moi, je meurs, si vous mourrez ! Ma Minette... Bon, cessez de m'appeler ainsi, hein. Seul mon père avait ce droit. Écoutez-moi, nous avons tout à perdre à nous mettre en guerre. Moi, je suis en guerre avec l'Empereur. Je peux bien être avec vous. Vous ne me faites pas peur. Je le sais. Vous avez plus de courage que le plus vaillant des combattants. Un esprit d'homme. Mais avec le désir d'être aimé comme une femme. Il reste trop demandé au monde, à la vie. Aïe. Minette, vous saignez. Laissez-moi. Oh, Benjamin. Pourrais-je vivre sans vous voir, sans vous parler ? Ma tendre amie, il faut regarder la vérité en face. Nous ne faisons rien d'autre que nous nuire. Et comment notre bel amour est-il devenu cette liaison malsaine ? Ce n'est plus une liaison, mais une association. Vous m'avez retenu dans un chaste esclavage en exigeant de moi la dévotion d'un amant. Alors tout est fini ? À jamais ? Un mal nécessaire. Notre repos à tous les deux, voilà ce que je veux. Je vais vous dire, moi, ce que je veux. Je songe à partir en Amérique cet automne. Et d'ici là, je vous prie de tenir secret votre mariage. Et de passer l'été à Copé, seul avec moi. Vous me devez bien cela, Benjamin. Soit. Mais ensuite, je reprends ma liberté et je retrouve Charles. Je retrouve ma femme. Marché conclu ? Monstre. Jamais je n'ai été aimée comme j'aime. C'est faux. Un être m'a comblée de son amour autant que je l'ai comblée du mien. Mon père. Ma vie entière, j'ai cherché son égal. Peine perdue. Dans Corinne ou l'Italie, j'ai écrit « On peut mourir d'amour. Une femme d'un esprit supérieur rencontre rarement un homme capable de la comprendre. S'il l'aime, son cœur s'en inquiète. » S'il ne l'aime pas, son amour-propre s'en offense. Corinne, c'est moi. Si j'avais moins d'esprit, serais-je enfin heureuse. Après la rupture, Madame de Staël renonce à partir pour l'Amérique et s'installe dans un château près de Blois. Elle supervise la parution de son livre « De l'Allemagne », ouvrage imposant et précurseur. Elle y fait l'éloge du pays et de ses penseurs. Elle incite aussi le lecteur à avoir l'esprit européen, à s'inspirer d'autres cultures pour établir un modèle où chacun apporterait le meilleur de lui-même, à l'opposé de Napoléon Ier qui cherche à tout unifier. Le 5 octobre 1810, il donne l'ordre de saisir les épreuves et de pilonner le livre, au prétexte qu'il n'est pas français. Elle parvient à sauver le manuscrit original et se réfugie en Suisse. Pour faire la paix avec l'empereur, on lui suggère d'écrire un livre à sa gloire. Elle refuse. Dès lors, son exil se durcit. Interdiction de recevoir ses amis et de s'éloigner de Copé de plus de 2 lieues, soit 9 kilomètres. Me voici enterrée vivante dans mon château, espionnée, traquée. Le pire est de voir ce que j'aime souffrir par ma faute. Les rares amis qui osent me rendre visite sont à leur tour exilés. Copé devient un tombeau où seul entre le courrier. Mes enfants et moi sommes-nous faits pour planter des choux jusqu'à la mort? Par bonheur, j'ai un nouvel amour. Il s'appelle John Roca. Il a 23 ans. Il a fait la guerre en Espagne. 5 balles dans le corps. Napoléon le dégoûte et moi, je l'éblouis. J'attends un enfant. J'ai hâte d'accoucher pour pouvoir fuir. Ma décision est prise. À tout instant, je crains d'être conduite en prison. Assassinée, qui sait. Mère, la voiture est prête. Laisse-moi profiter du jardin, me recueillir sur la tombe de mes parents. Le temps presse, il faut partir. Albertine, je ne sais plus, je suis fatiguée. Dans quelques jours. Vous avez déjà dit cela la semaine passée. Il est trop tard pour reculer. Depuis 8 mois, vous préparez notre fuite. Aujourd'hui, je tremble en songeant au danger qui nous guette. Au premier pas posé dehors, je peux me faire arrêter. Mais à Copé aussi, vous courez ce risque. Vous ne pouvez plus rester. Mais ici, j'ai un toit pour m'abriter, un jardin, des souvenirs. Ailleurs, qu'allons-nous trouver? Une vie d'errance? Mais non! Celle que vous célébrez depuis toujours, celle que vous me vantez depuis mon enfance, votre étoile polaire, la liberté. Oh, ma fille chérie, merci. Tu m'insuffles la force qui me fait défaut. J'ignore pourquoi, désormais, j'ai soif de sécurité. J'ai peur. Je vieillis. Courage. Songez que vous partez pour l'Angleterre. Le 23 mai 1812, la baronne de Stahl s'enfuit de Copé. Un mois plus tôt, elle a accouché à 46 ans de son 5e enfant, un garçon, qu'elle a confié à un pasteur. Par cette belle après-midi de mai, elle part en voiture avec sa fille comme pour une promenade, vêtue d'une robe légère, sous laquelle elle cache l'original du manuscrit de l'Allemagne. Albert, son fils cadet, et John Roca suivent à cheval. Leur but est de rallier l'Angleterre, seule puissance indépendante avec la Russie. Mais avant, il leur faut traverser toute l'Europe occupée par Napoléon. Commence une course contre la montre. Les routes sont mauvaises. La santé de Germaine ne lui permet pas de voyager de nuit. À Berne, John s'éclipse pour régler des affaires à Genève. Il les rejoindra. À chaque étape, Madame de Stahl retient son souffle. Arrivée à Salzbourg, elle manque défaillir. Le patron de l'auberge l'informe qu'un mystérieux messager français est venu pour elle. Il reviendra. Elle s'enferme dans sa chambre avec Albertine. Mais mère, réveillez-vous! Je ne dors pas. Et qu'allons-nous faire? Nous battre jusqu'à notre dernier soupir. Mon Dieu, c'est lui! Donne-moi cette cruche, vite! Me voici! Ouvre la porte. Mais c'est... Mère, non! Oh, John! John! Oh, pardon! Oh, John! Plus de peur que de mal. Le messager français, c'était ce pauvre John. Les fugitifs reprennent leur folle équipée. En Autriche, ils voient partout des affiches appelant à contenir l'ennemi de Napoléon. Puis ils se hâtent vers Moscou. Car l'empereur et sa grande armée, décidés à envahir la Russie, marchent à 8 jours derrière eux. Mi-juillet 1812, Madame de Stahl franchit la frontière russe. Elle est reçue avec les honneurs par le tsar. À l'automne, elle débarque à Stockholm après une traversée épique. Pendant ce temps, Moscou brûle, Napoléon bat en retraite. Protégée par Bernadotte, prince royal de Suède, la baronne inspire une politique d'alliance contre l'empereur. Le 18 juin 1813, avec John et les enfants, elle arrive enfin à Londres. Elle est sauvée. Elle y publie De l'Allemagne avec succès. Début avril 1814, Napoléon Ier abdique. Après 10 ans d'exil, titre de son ultime ouvrage, Madame de Stahl regagne Paris fin septembre. Un an plus tard, son persécuteur est conduit à Sainte-Hélène. L'exileur exilé. Quelle ironie. De lui, j'espérais un pouvoir vertueux, en vain. De Benjamin, j'espérais une union parfaite, en vain. Dommage. Au moins, je garde mes principes, ma liberté. En amour comme en politique, pas question de laisser triompher la médiocrité. Au fond, j'éprouve peu de rancune pour Napoléon. C'est réciproque. Après sa chute, il a dit « Personne ne saurait nier que Madame de Staël est une femme d'un grand talent, fort distinguée de beaucoup d'esprit. Elle restera. » Oui, moi, celle sans laquelle et avec laquelle on ne peut vivre. Il m'a reconnue comme un adversaire à sa mesure, son meilleur ennemi. J'avais raison. On finit toujours par m'aimer. Germaine de Staël et Napoléon Bonaparte, l'impossible conquête de Corinne Clompe avec Germaine de Staël, Johanna Nisard, Napoléon Bonaparte, Laurent Natrella de la Comédie Française, Talleyrand, Grégoire Ostermann, Benjamin Constant, Guillaume Marquet, Antoine Gaudriot, Guillaume Tarbourièche, Auguste, Rémi Fortin, Albertine, Leslie Menu, le domestique, Thomas Pouget. Prise de son, montage et mixage, Sébastien Royer et Pascal Bénard. Bruitage, Bertrand Amiel. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Laure Egoroff. Autant n'emporte l'histoire sur France Inter. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Germaine de Staël avec mon invitée Stéphanie Genon. Il pleut des cordes sur le balcon. Le vent s'engouffre dans la maison. Les volets claquent vers la mer. Le ciel est bleu pourtant. Tu regardes vers le nord. Avis de grand frère à la fenêtre. Mer 5 à 7, forcissant dans ta tête. Des crêtes d'écume au plafond. Un orage dans le salon. Dans la salle de bain du bas. Détends-toi. C'est l'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. De tous les temps, de tous les temps. L'anticyclone des Açores est sur nous. La main de Dieu est sur nous. Les comètes géantes arrivent, le canapé dérive. Dans les muséums d'histoire naturelle, les os des dinosaures tremblent, les planètes s'entrechoquent. Et tu n'as encore rien vu, et tu n'as encore rien vu. C'est l'année la plus chaude de tous les temps. Raphaël, l'année la plus chaude de tous les temps sur France Inter. L'émission est réalisée par Juliette Gou, assistée de Sophie Hoffmann, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Sacha Trop. Stéphanie Genon, nous avons donc quitté Germaine de Staël, c'était en 1814, après l'abdication de Napoléon. Ironie de l'histoire, celui qu'il avait condamné à l'exil va être exilé à son tour à Sainte-Hélène. Germaine a 48 ans, elle ne le sait pas, elle n'a plus que 3 ans à vivre. Elle mourra le 14 juillet 1817, c'était donc il y a 200 ans, victime d'une hémorragie cérébrale, c'est ça ? Pas exactement. En fait, elle a une maladie assez rare qui s'appelle une fièvre hépatique qui a dégradé sa santé depuis plusieurs mois. Et puis, il y a une inflammation subite qui, effectivement, l'emporte en 6 mois, entre février et juillet 1817. Alors, l'acharnement de Napoléon à persécuter Germaine de Staël peut sembler quand même étonnant. Donc, il disait, j'ai 4 ennemis, la Prusse, la Russie, l'Angleterre et Madame de Staël. Il la fait s'exiler, il la surveille, il l'espionne, il envoie son livre au pilon, elle s'enfuit à travers l'Europe. Il la craignait comme... Comment ça se fait qu'il la craignait autant ? Elle était vraiment dangereuse ? Elle était dangereuse si vous étiez un tyran, ce qu'il était, ou un despote, pour le dire de manière un peu plus nuancée, c'est-à-dire quelqu'un qui ne supportait pas la contradiction et quelqu'un qui voulait régner de manière uniforme. Staël était dangereuse pour plusieurs raisons. D'abord parce que pour elle, elle défendait une idée de la France et de l'Europe qui était aux antipodes de celle de Napoléon, c'est-à-dire L'idée d'une France et d'une culture française qui soit ouverte à l'étranger, ça c'était contradictoire avec le principe même d'un empire qui consiste à imposer la même culture de Brest à Moscou. Donc il y avait chez Stahl une vision politique et culturelle anti-impériale. Et puis il la craignait aussi pour son indépendance, puisque une des chances de la vie de Stahl était qu'elle avait de l'argent, du fait de l'héritage de son père banquier. Elle a toujours été libre de ce point de vue-là, et donc elle n'avait rien à craindre de lui. Donc elle était indépendante financièrement, et alors là, je crois que c'était l'ultime obstacle pour Bonaparte, elle ne désirait rien de lui. Elle n'attendait pas de lui non plus un poste, un pouvoir, alors que les despotes cherchent toujours soit à acheter leurs ennemis, soit à les corrompre en accédant à leurs désirs. Stahl n'avait aucun désir. Elle était courageuse quand même, parce qu'elle aurait pu écrire un livre à sa gloire, elle a refusé, elle aurait pu revenir vivre à Paris, enfin, elle a quand même été courageuse. Oui, elle s'est opposée. Pour elle, si vous voulez, il y a quelque chose de... On ne doit jamais transiger avec les tyrans. Alors que en 1814, lorsque Napoléon s'en va et puis revient pour les 100 jours, tous les amis de Stahl, Benjamin Constant en tête, tournent leur veste, comme on dit couramment, et cèdent aux ambitions que Napoléon leur propose de réaliser. Stahl, jamais. Elle reste toujours fidèle à ses principes, même si elle sait que sa défense de la liberté lui coûte cher. Qu'il y a des risques à défendre la liberté. Ce n'est pas simplement des propos de salon. Mmh. Ça engage l'existence, l'exil, ça engage la vie des enfants, en l'occurrence, qui sont les siens. Mais pour elle, c'est insupportable de vivre en ayant trahi ses idées. Alors, quelles étaient ses idées politiques exactement? Parce qu'on l'a vu, bon, elle était quand même. Elle a vécu la monarchie, elle a vécu la révolution. Ensuite, elle vit le Napoléon. Elle va redécouvrir la monarchie quelques années avant sa mort. Quelles sont ses idées politiques par rapport à tout ça? Alors, il serait anachronique d'en faire une démocrate, comme d'ailleurs de tous les gens de son époque, puisque le concept de démocratie n'existe pas. Elle ne défend pas du tout l'idée d'un pouvoir au peuple, par exemple. Mais elle appartient au parti qu'on appelle les libéraux, au sens de l'époque, c'est-à-dire les gens qui défendent la liberté. Le principe politique de Stahl, ce sera protéger la liberté. Ça veut dire quoi? Garantir que celui qui exerce le pouvoir ne sera jamais un tyran. Qui est des contre-pouvoirs? C'est ça, des contre-pouvoirs mettent des limites, par exemple en ayant toujours une assemblée, ce qui fait que même quand ce sera la monarchie qui reviendra, Stahl va défendre une monarchie constitutionnelle. C'est déjà le cas en 1789, c'est ce qu'elle souhaitait. C'est ce qu'elle souhaitait au départ, oui. Ensuite, la République est proclamée en 1792 et Stahl la défend, mais avec une conception de la République de l'époque, c'est-à-dire que le pouvoir n'est pas donné à tous, hein, il est donné à une nouvelle élite politique est celle qui va être nourrie par les Lumières. Pour Stahl, il faut être éclairé. Donc il faut protéger la liberté des excès du pouvoir et protéger aussi la liberté des excès du peuple. C'est ce que la Révolution lui a appris. C'est donc un système politique qui doit toujours tempérer les excès. Ça, c'est l'idéal stalien. Est-ce qu'elle est européenne? Est-ce que c'est en ça qu'elle est moderne? On a entendu de l'Allemagne, un livre qui fait découvrir l'Allemagne, une autre manière de vivre, une autre manière de penser. Est-ce que c'est une vision assez avant-gardiste pour l'époque? Oui. À l'époque, en fait, on est encore dans une culture d'ancien régime très forte qui consiste à penser que la France est le pays le plus brillant d'Europe, voilà, et que la langue française est la langue qui doit régner en Europe, que la culture française est la culture dominante, alors que Stahl est une des rares voix discordantes à dire que en 1800, la France est menacée de stérilité si elle ne va pas voir ce qui se fait ailleurs. Ça, c'est vrai que c'est assez nouveau à l'époque. Oui, pas forcément les armes à la main, quoi, comme le faisait Napoléon. Culturellement, par les voyages aussi, ou par les langues. Est-ce que Germaine de Stahl était féministe? Alors, pas au sens où on peut l'entendre aujourd'hui, c'est-à-dire de défendre une égalité de droits entre les hommes et les femmes, ce que va faire à son époque, par exemple, quelqu'un comme Olympe de Gouges avec sa déclaration des droits de la femme. Stahl n'est pas une militante de l'égalité des droits. Elle a entériné une inégalité de situation entre les hommes et les femmes. Qu'elle constate, dont elle souffre, mais qu'elle invite plutôt les femmes à supporter, ou plus exactement, à contourner. C'est-à-dire qu'elle dit que les femmes sont toujours reléguées sur au second plan dans la vie sociale, eh bien, il faut faire de cette relégation une force. C'est-à-dire que si on n'est pas aux premières places, on voit plus clair en revanche que lorsqu'on est dans l'action. Elle vise pas du tout le pouvoir, par exemple. Hein. Elle trouve que les femmes ont tout à gagner à être plutôt du côté de la pensée, du côté de l'analyse politique. Donc les femmes, pour elles, sont d'excellentes conseillères. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas la passion du pouvoir. Donc elles peuvent conseiller les hommes. Alors c'est vrai qu'avec Bonaparte, elle en a rêvé lorsqu'il arrive à Paris, au début de la Révolution, enfin à la fin de la Révolution plutôt, et avec Constance, c'est exactement ce qui va se passer. Constant va avoir une carrière politique, il va être député pendant 4 ans sous la Restauration. Stahl aura avec lui pensé la politique, mais c'est à lui de la faire. Et donc c'est une femme qui a eu des enfants, c'était important dans sa vie ? Ça a été pour elle, l'important c'était l'éducation de ses enfants. Leur donner une trajectoire libre, leur donner des valeurs et faire en sorte que ces enfants sachent toujours d'où ils viennent, c'est-à-dire pour Stahl, de leur grand-père. Ce sont les petits-fils et les petites-filles de Necker. Donc ils ont à ce titre une espèce d'obligation de gloire. Pauvre grand-mère. Alors, dans la biographie que Michel Vinocq lui a consacrée, donc l'historien Michel Vinocq, il reconnaît que dans ses cours à Sciences Po, pendant très longtemps, il l'avait complètement passé à la trappe, donc Germaine de Stahl. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux la faire connaître, mieux faire connaître son œuvre ? Il faut l'étudier au lycée, en fac ? Oui, alors déjà, il faut se retirer de l'esprit le préjugé selon lequel la pensée politique, par exemple, est l'apanage des hommes. Donc déjà, il y a un préjugé contre lequel il faut lutter, et puis ensuite, concrètement, oui, ça passe par des éditions aussi. Ça passe par des éditions de poche accessibles et une inscription de Stahl et de la totalité de son œuvre bien plus fréquente pour les programmes de lycée ou les programmes d'université ou les concours d'enseignement. Jamais Stahl n'a été au programme, ou très rarement, de l'agrégation. C'est arrivé une seule fois. Cette année, c'est bien dommage, par exemple, qu'en 2017, elle ne soit pas au programme de l'agrég. C'est peut-être aussi parce qu'elle était romancière. On n'aime pas trop les gens qui mélangent les genres. Alors, c'est vrai que vous avez raison. Elle rentre dans aucune case, mais ses romans ou sa pensée politique pourrait être beaucoup plus systématiquement au programme à Sciences Po ou dans les facs d'histoire. Bon, l'appel est lancé ce soir. Merci beaucoup Stéphanie Genant, vous êtes l'auteur d'un essai très remarqué, La Chambre Noire, Germaine de Stahl et la pensée du négatif chez Droz, et vous avez coécrit avec Léonard Burnan et Catriona Sett Germaine de Stahl et Benjamin Constant, L'Esprit de Liberté, publié chez Perrin, et je signale également la biographie de Michel Vinocq dont je venais de parler, Madame de Stahl, parue chez Fayard. Autant on emporte l'histoire est terminée pour ce soir. Cette émission, vous pouvez bien sûr la réécouter ou la podcaster, ainsi que toutes celles que vous auriez manquées, sur le site franceinter.fr, où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, nous partirons en Russie en 1917, alors que la révolution de février vient en quelques jours de mettre à bas le vieux régime des tsars. Nicolas II, sa femme Alexandra et leurs 5 enfants se calfeutrent dans le palais de Tsarskoïe Selo, le début d'une longue descente aux enfers, qui les conduira en Sibérie et se terminera par leur exécution à Ekaterinbourg en juillet 1918. Je recevrai l'historien Alexandre Soumpf. 1917-1918, la fin des Romanov, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire. Dans quelques minutes après le flash, vous avez bien sûr rendez-vous avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. Excellente soirée sur France Inter.